voler leurs âmes, voler leurs âmes. Les impliqués, indisciplinés, leur réalité est comme un jeu de société où les règles ne sont pas visées, où le but est toujours se battre pour sa liberté. Trop d'enfants dans le monde qui jouent à voler leurs âmes, ne font plus la ronde pour leur part. Voler leurs âmes, trop d'enfants dans le monde qui jouent à voler leurs âmes. On a volé leurs âmes, volé leurs âmes, volé leurs âmes, volé leurs âmes. On a volé leurs âmes. Et le sang qui se répand par ces sociétés d'Occident ne donne pas le goût d'aimer, mais plutôt de se rébouter. Manger. Y'a trop d'enfants dans le monde qui jouent avec les âmes. Ils ne font plus la ronde. On a volé leurs âmes. Y'a trop d'enfants dans le monde qui jouent avec des âmes. Ils ne font plus la ronde. On a volé leurs âmes. Ils détruisent le monde pendant que d'autres le réparent. Car il n'est pas trop tard. Espoir, on peut refaire l'histoire, même si ça paraît bizarre. Y'a trop d'enfants dans le monde qui jouent avec les armes. Ils ne font plus la ronde, on leur a volé leurs armes. Y'a trop d'enfants dans le monde qui jouent avec les armes. Ils ne font plus la ronde, on leur a volé leurs armes. Oh oh, volé, volé leurs armes. Voler leurs âmes. Restons unis en Afrique ou à Paris pour en sortir grandi. Évitons les tragédies. Restons unis de New York jusqu'au Mali. Éteignons les incendies sur cette belle mélodie. Uh-huh.